voyage par le train. J'aurais préféré autre chose que ce tortillard qui brinque-balle dans une clameur de ferraille tordue et de tôle déchirée. En plus, il s'arrête dans toutes les gares. D'un coup, derrière le carreau, j'ai l'impression d'être en vitrine. Danger. Je me recroqueville dans mon coin, en essayant de lorgner avec discrétion vers le quai qui ralentit, et finit par s'arrêter pile à ma hauteur. Des types qui me semblent sournois montent dans le wagon. Ils ont l'air de chercher quelqu'un, en faisant mine de chercher une place où s'asseoir. Les fourbes. Depuis quelques jours, je ne croise que des types sournois. Il ne se passe rien, mais on ne sait jamais. Il faudrait rester sur ses gardes, si j'ose dire. En théorie, je ne crains rien. La confiance règne. N'empêche, c'est humain de s'inquiéter pour sa vie, je trouve. Il y a de quoi. Ils m'ont traité de Judas. Enfin, surtout l'ex-Chinook qui parlait au nom de tous les autres. Ils auraient pu me traiter de fils de pute. Je ne suis pas difficile à rhabiller, moi. Tout me va. Judas. Oh, c'est méchant. Mais il faut reconnaître que c'est bien vu. Ça me ferait presque plaisir. De toute façon, j'aime bien les références bibliques. Ça pose un homme. Ça lui confère une certaine importance. Un rôle dans la société. Ça l'inscrit dans une histoire plus grande que lui. Judas. L'antique. Celui dont les cubénies causent avec une moue de dégoût. J'aurais vraiment bien voulu l'avoir comme ami. C'était un moderne, en avance sur son époque, un type admirable. Il avait des besoins de pognon, ni une ni deux, il a trouvé les moyens de les satisfaire. Comme ça, il est devenu riche et célèbre. D'une pierre deux coups. Bien joué, j'estime. Il avait compris que la fin justifie les moyens et que dans la vie, tout se vend et tout s'achète. À part livrer Jésus aux Romains, il n'a rien fait de mal. Il avait juste flairé la bonne affaire. Jésus présentait une valeur marchande. Il était arrivé à maturité, à un moment de sa vie où il pouvait rapporter une petite fortune à un commerçant avisé. Voilà tout. De nos jours, qui serait assez vertueux pour blâmer Judas, un homme d'initiative, un libéral, au pire un social-démocrate? D'ailleurs, il était comptable. Moi aussi, je suis comptable. Au début, il y a des lustres. C'était dans une entreprise où on fabriquait des ressorts. Je faisais ce qu'il fallait pour améliorer mon ordinaire de salarié. C'était facile, j'avais la confiance du patron. Il me considérait comme le fils qu'il n'avait pas eu. Il signait tout les yeux fermés. Je n'en tirais aucune vanité, mais pour moi, c'était flatteur et encourageant. Judas aussi inspirait confiance. Jésus lui avait confié la caisse de l'association apostolique. Il ne vérifiait jamais rien. Il aurait peut-être dû. Quand les choses ont commencé à mal tourner, mon patron n'a pas été long à réaliser que son compte était bon. Il s'est défendu. Mais il n'était pas de taille à rivaliser avec un employé qui, de longue date, avait prémédité sa propre innocence. Pour être tout à fait franc, quand j'ai eu de quoi vivre tranquille pendant un moment, j'ai adressé une lettre au service des impôts. Sous couvert d'anonymat, on n'est jamais assez prudent. Évidemment, dans ce contexte de catastrophe, je n'ai pas eu droit au pot de départ. Mais la loi étant la loi, je me suis débrouillé pour toucher un paquet d'indemnités, sans compter le chômage. Ah, il n'y a pas de petit bénéfice. Oh, la tête du patron sur ce coup-là. Un poème. C'est fou le bonheur qu'il y a de nuire à son prochain. Comme Jésus, mon patron n'avait rien à se reprocher. Il est donc tombé de haut. Il n'arrivait pas à se faire à l'idée qu'il allait payer le prix fort pour des malversations qui ne lui avaient pas rapporté un centime. Sans mentir, je crois avoir éprouvé une infinie délectation à regarder sombrer ce brave homme à qui je devais tout, et bien plus encore, qui me recevait chez lui, à sa table, avec la femme de qui je couchais de temps en temps, et qui m'aurait donné sa fille en mariage s'il en avait eu une. Devant moi, il n'a pas protesté. Mais j'ai lu dans son regard la phrase fameuse de César, « Toi aussi, mon fils. » Eh ben oui, moi aussi, mon vieux. Chacun se défend comme il peut. La vie est une compétition, on nous l'a assez seriné à l'école. Tous les coups sont permis, l'homme est un loup pour l'homme. L'occasion fait le larron, quand on tient la poule, il faut la plumer. Les proverbes ne mentent pas. La liste est longue des arguments qui plaident en faveur des Judas et des Brutus. À 15 ans, je la connaissais déjà par cœur. Je lisais les journaux. Ils sont toujours pleins d'exemples édifiants. Encore aujourd'hui, je découpe des articles. Je me suis même fait un répertoire de sycophantes et de cupides notoires. Que du beau linge, que des noms propres, des officiels, des ministres, des évêques, des chirurgiens, des aristocrates, des préfets, des majors de promotion, des banquiers. Le moins que je puisse dire, c'est que dans la société actuelle, je ne me sens pas seul. Mon voisin de gauche s'est endormi, ou il fait semblant. Quand le train s'arrête, toujours brutalement, le conducteur doit être un rustre. Je sens la main de ce type contre ma hanche. Il me serre de près. Il n'est pas loin de s'écrouler sur moi. J'ai bien envie de le remettre à sa place, sans violence, avec courtoisie. Pas question de se faire remarquer. Le train se remplit. Au dernier arrêt, il ne restait que deux places libres. Maintenant, elles sont occupées par des hommes en chapeau. Je n'aime pas. Le chapeau est un accessoire pour les poètes qui ont envie de s'afficher plus grands qu'ils ne le sont vraiment. Ou alors, c'est un signe de reconnaissance pour les tueurs. Ces deux-là n'ont pas des têtes de poètes. Ils n'ont pas non plus des têtes de voyageurs qui vont en ville acheter un tube de dentifrice. Ils regardent devant eux, ne prononcent pas une parole. Ils ont l'air d'être perdus dans leurs pensées et de s'y ennuyer. Chingok a des cousins un peu partout. Peut-être pas dans toutes les gares quand même. Et puis, il ne sait pas que je suis dans le train. Il ne peut pas le savoir. La dernière fois qu'il m'a repéré, c'était chez les flics. C'est à ce moment-là qu'il m'a traité de Judas. Bien que je ne parle pas la langue des voyous, le mot est facile à traduire. C'est une condamnation à mort. Un genre de tuile. Chingok, c'est insusceptible. Il n'a pas supporté qu'un citoyen au-dessus de tout soupçon puisse le donner aux flics. Mais cela dit, je n'ai fait que mon devoir. Contraint et forcé d'ailleurs. Normalement, les choses devaient se passer sinon avec délicatesse, du moins sans excès de virilité policière. Il n'y aurait pas dû avoir de casse. Les flics avaient tiré leur plan. Dans l'idéal, ils auraient gentiment donné l'assaut. Bons joueurs, les Chingok n'auraient opposé aucune résistance. Non sans une lucidité fortifiée par des années d'expérience en matière d'arrestation au petit matin, les flics n'avaient pas non plus imaginé que les Chingok leur tendraient les poignets pour y recevoir les menottes avec une élégante simplicité. Non. Dans un premier temps, ils s'attendaient à un refus d'obtempérer. Le malfrat a sa fierté. Il ne veut pas que la chronique locale retienne de lui l'image d'un homme qui a renoncé sans combattre. Pour le principe, il doit s'imposer tout un rituel de gesticulation destiné à montrer qu'il en a et qu'elles sont bougrement hirsutes. Il s'offusque, il s'offense, il jure sur la tête de sa mère et il clame son innocence. C'est de bonne guerre. À la fin, il se laisse embarquer en y mettant ce qu'il faut de mauvaise grâce pour montrer qu'il est victime d'une terrible erreur judiciaire. Les yeux tournés vers le ciel, les canailles les mieux éduquées se fendent même d'un signe de croix, voire d'un pieux marmonnement. Avec l'exou Chingok, il n'y aurait pas eu de problème. C'est le cerveau de la famille, l'organisateur. Il a un mental de notable. Il va même à l'opéra, pour pleurer de vraies larmes, tellement il est sensible à la beauté des danseuses. Il a la passion de la cuisse. Chez lui, c'est obsessionnel, c'est incontrôlable. Raison pour laquelle il sponsorise la troupe des majorettes qu'il a baptisée l'armée des cuisses d'or. Un caprice d'esthète qui a les moyens. Quand les flics ont investi la maison, L'Exou, qui malgré ses qualités ne peut pas être partout à la fois, soldait son repas de la veille aux toilettes. Et c'est son frère jumeau, un taré, qui se trouvait à la réception, en première ligne. Celui-là n'a pas cherché à comprendre. Il a dû croire au déclenchement inopiné de la Troisième Guerre mondiale. Il s'est jeté sur son arme et sans sommation, en idiot, il a tiré dans le tas de bleus qui grouillait au milieu du hall. Chez les flics, il y a de tout. Des flics coulants, des flics tolérants, des flics aimables comme des publicités, des flics qui ont les nerfs solides, des flics qui tergiversent. Manque de chance. Ce matin-là, dans le paquet, il y en avait un qui avait surtout des tics nerveux, parmi lesquels celui de défourailler au moindre bruit suspect. Dès qu'il a entendu les balles siffler à ses oreilles, il n'a pas eu la présence d'esprit d'attendre les ordres. Comme par réflexe, il a fait usage de son arme. En tremblant, car d'après son rapport, bien qu'il ait visé aux jambes, l'émotion a dévié la trajectoire de la balle qui est allée se clouer entre les sourcils du taré. Juste au moment où, tenant son pantalon à deux mains, l'Exou surgissait sur les lieux de l'incident. Tout s'était passé si vite qu'il n'a même pas eu le loisir de recueillir le dernier soupir de son jumeau. Ce dernier était mort sur le coup. Tout le monde a été d'accord pour affirmer qu'il n'avait pas eu le temps de souffrir. C'est déjà ça. Juste en face de moi, à moins d'un mètre, le type qui occupe le coin près de la vitre a changé de position. Et sans étonnement, j'ai vu qu'il était armé. Pendant un long moment, il a fixé son regard sur moi. J'ai esquissé un sourire. Il n'a pas réagi. J'en ai déduit qu'il me regardait sans me voir. Pour lui, je n'existe pas plus que le paysage qui défile de l'autre côté de la fenêtre et qui n'a rien d'enthousiasmant. Des plaines agricoles s'élèvent par endroits vers des bordures de forêts. Des villages émergent d'un vilain trou de verdure et ne paraissent pas être reliés entre eux par des routes ou des chemins. De temps en temps, un transformateur électrique ou un château d'eau. Dans ces contrées qui ont des allures d'affalement géographique, la campagne est loin d'assurer les délices récréatives du voyageur. Sans aller jusqu'à sympathiser, j'aurais volontiers entamé une conversation avec lui. Ce sont des choses qui se font entre gens de bonne compagnie. Mais je le perçois réticent. Pas franchement hostile, mettons réservé. Peut-être un solitaire. Peut-être un dédaigneux. Sans doute pas un timide. Je dirais un blasé, un dégoûté de la vie, un type revenu de tout et qui n'a pas envie d'y retourner. Il a flairé que j'étais mêlé à une sale affaire. Il se méfie. Il ne tient pas à partager quoi que ce soit avec moi. Même pas quelques propos sur le temps qu'il fait ou sur les insignifiances paysagères qui illustrent cette navigation ferroviaire. Il a décidé une fois pour toutes que je suis infréquentable. Sûrement qu'il se laisse dominer par des préjugés. Moi, je serais plutôt liant, sociable, avenant. J'adresse la parole à n'importe qui. À ma façon, je suis un séducteur. Je recherche l'amitié de mes semblables, de mon prochain. Je n'ai pas l'empathie discriminatoire. Je souris à tout le monde et je ris facilement aux plaisanteries de mes interlocuteurs. C'est ma force. Le pire, c'est que je me surprends parfois à être sincère. Certes, les circonstances me poussent quelquefois à trahir les camaraderies les plus aguerries. Mais il faut bien que je gagne ma vie. Modestement. Je n'ai jamais exagéré. Mes ambitions demeurent honnêtes. Mais je connais mes limites. Étranger au monde de la politique comme à celui de la finance, je ne postule pas au titre d'escroc de l'année. Disons que je commets des indélicatesses, je prélève ma part du butin en toute discrétion, à la seule force de mon hypocrisie. Si elles savaient, mes victimes, peut-on sérieusement parler de victimes, auraient du mal à concevoir qu'un homme aussi serviable que moi ait pu s'en prendre perfidement à leurs intérêts. Certaines me tiennent encore en haute estime, me saluent quand on maraude au coude à coude dans les allées de la supérette. Le bonheur est dans l'ignorance. Du moins, c'est ce que prétendent les sages, à commencer par les pères de l'Église, qui compte parmi mes références. Alerte ! Un des deux types qui se sont installés tout à l'heure a touché du bout des doigts le bord de son chapeau. Est-ce un signal ? Ont-ils l'intention de passer à l'action ? Là, je note qu'il laisse flotter son regard dans ma direction. Physiquement, il a tout d'un cousin de Chinook, une race d'exterminateurs. S'il se lève, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Je devine laquelle. Il attendra que le train entre dans la prochaine gare. Les portes s'ouvriront automatiquement. Il me tirera comme une pipe à la fête foraine et sautera sur le quai, suivi par son acolyte. Une voiture les attend, ni vue ni connue. Ils regagneront leur base ou se perdront dans la nature. Son compère n'a pas touché son chapeau. Mais il s'est pincé le nez. Pas comme on se pince le nez machinalement, en passant, parce qu'on a un poil qui remue dans le courant d'air. Non, il a mis de l'insistance dans son geste, pour bien signifier qu'il se pinçait le nez pour se pincer le nez, et pas à cause d'une dissidence pileuse. L'un se touche le chapeau, l'autre se pince le nez. Langage codé, rudimentaire, primitif même. Mais les cousins Chinook ne sont pas des cérébraux. Ces handicapés lexicaux peinent même à baragouiner dans le langage des signes. J'ai l'impression que tout le monde m'en veut. Tout le monde m'observe. Qu'ils savent tous quelque chose à mon sujet. À deux banquettes de moi, une grosse vieille serre une paire de pantoufles contre sa poitrine. Si c'était une arme en sandwich entre des pantoufles? Et si la grosse vieille était un cousin travesti en grosse vieille? On a vu plus faramineux. Pas seulement au cinéma. À force d'imaginer que le monde entier s'est lancé à mes trousses, je vais me faire du mal. C'est couru. Mon voisin d'en face est armé, ça me tranquillise. Si on me tire dessus, il ripostera. Les gens qui ne se séparent jamais de leurs armes ne ratent pas une occasion de faire parler la poudre. Et puis, il y a mon voisin de gauche. Il dort. Il a quasiment la tête sur mon épaule. Si l'homme à chapeau me tire dessus, la balle risque de se retrouver dans ce gros tas que le sommeil a renversé contre moi. J'ai bien fait de ne pas le remettre à sa place. Il me protège, au moins en partie. Pour rien d'ailleurs, puisque je ne cours pas le moindre danger. Seuls les flics savent que je me trouve dans ce train. Ils ne sont pas assez intimes avec Chinook pour lui confier ce genre d'informations. D'autant qu'ils me doivent beaucoup tout de même. J'ai fait de mon mieux pour servir la justice en citoyen participatif. Voici deux mois, à peu près. Ils m'ont convoqué chez eux, par courrier, sans se préoccuper de préciser le motif de cette convocation. Pendant 4 jours, je me suis fait un sang d'encre. J'ai pensé qu'ils avaient démonté une de mes combines, que quelqu'un s'était plaint de mes agissements. Pourtant, dans l'exercice de ma spécialité, je suis d'une prudence maladive. Au plus anodin de mes travaux, j'applique le principe de précaution. Avant toute démarche risquée, je sélectionne toujours un imprudent ou un trop confiant, un gentil, un faible, une poire qui finalement endossera la responsabilité de mes entreprises. Dans ma partie, le grand art consiste à manœuvrer avec assez d'habileté pour mouiller le plus potentiellement innocent des innocents. C'est presque la règle. Un innocent ne sait pas se défendre. En tout cas, il se défend beaucoup plus gauchement qu'un coupable. J'ai même réussi à faire accuser des morts. Mieux, une fois, j'avais tellement bien composé ma partition que le type s'est persuadé qu'il était pour quelque chose dans le malheur qui lui tombait dessus. Il avait le sens de l'honneur, il s'est jeté du pont. J'ai dit bravo. De nos jours, les hommes d'honneur sont une espèce en voie de disparition. Dommage, car c'est le plus bel ornement de la démocratie. Il est vrai que je ne lui avais laissé aucune marge de manœuvre. Il était dans la nasse, poursuivi par des rumeurs immondes, harcelé par des lettres anonymes qui, via des allusions rouées et des artifices métaphoriques, le menaçaient de tout révéler à la presse. Comme les gens qui n'ont aucune disposition pour être coupables, il a fini par se contrarier. Personnellement, dans la mesure de mes possibilités en qualité de collaborateur et d'ami très cher, j'essayais de le rassurer, de lui remonter le moral, de lui faire sentir qu'il avait la chance d'être soutenu par une femme merveilleuse et par des enfants qu'il aimait tendrement. Et je suis là, moi, que je lui disais. Je suis ton pote, je te soutiens à fond, à mort. Hein, tu peux compter sur moi, je témoignerai. Tu n'as rien à craindre. Tu es victime d'un malentendu, d'une malveillance. Crois-moi, tu t'en sortiras, et la tête haute. D'après mon plan, il aurait pu être condamné à quelques mois de prison avec sursis. un mauvais moment à passer. Ensuite, il aurait eu tout le temps de se retrousser les manches, se remettre à flot, payer ses dettes, récupérer un semblant de réputation. Toujours de bons conseils, et excellent connaisseur des précédents historiques, je lui avais même, en toute amitié, conseillé de quitter la ville, de changer de région, voire de se réfugier à l'étranger. In fuga salus. Le salut est dans la fuite, solution classique maintes fois éprouvée au cours des siècles. Il a préféré se jeter du pont. C'était son choix, je ne le discute pas. Ainsi, il m'a épargné le désagrément d'un faux témoignage. Et lui-même a échappé à une déception. Mon témoignage n'aurait été faux que pour l'accabler. Lui, c'était lui, moi, c'était moi. Par conséquent, c'était lui ou moi. Il n'avait pas le choix. Je ne l'avais pas non plus. Il faut se soumettre à la fatalité, surtout quand on en est le maître d'œuvre. Pour le reste, je me suis occupé de la veuve, moins par esprit de dévouement que par convenance personnelle. Depuis longtemps, difficile à approcher, elle a teasé mes concupiscences. J'ai eu du mal à la convaincre qu'elle avait besoin d'être consolée. Minée par le chagrin, elle n'avait plus vraiment la force de résister à mes prévenances de bon samaritain. Il n'y avait pas de temps à perdre. Je devais agir dans l'urgence, avant qu'elle retrouve son sang-froid. Si de là-haut, son défunt mari nous a vus, il a sans doute compris que je n'étais pas si mauvais, puisque je prenais sur moi d'offrir du réconfort et du délassement à une épouse qu'en mettant lâchement fin à ses jours, il avait privé du meilleur de la vie nocturne. L'idylle fut de courte durée. Bon, c'était prévu. La cueillette de la veuve s'effectue en effet dans la fraîcheur du désarroi, à peu près dans le temps qu'il faut pour que les fleurs des gerbes et des couronnes se fanent sur la tombe. Ensuite, elle a pris ses distances. Je me suis retiré en exprimant des regrets de courtoisie, rehaussés de quelques paroles de gratitude. Ayant obtenu ce que je convoitais, et bien au-delà de mes espérances, je ne pouvais pas faire moins. La reconnaissance du ventre, c'est ce qui distingue l'homme civilisé de la brute épaisse. En l'occurrence, je me targue d'avoir été au sommet de mon évolution socioculturelle. Quand je me suis présenté chez les flics, je faisais bonne figure, mais je n'en menais pas large. J'ai demandé au planton qui me guidait vers le bureau d'un inspecteur s'il savait pourquoi on m'avait convoqué. Il m'a répondu qu'il n'en savait rien. De la part d'un flic qui connaît la musique, c'est la réponse que j'attendais. Parfait. Le planton a frappé à une porte noircie de crasse, et sans attendre la permission, il a ouvert, s'est collé contre le chambranle, et d'un coup de menton assez vulgaire, il m'a indiqué que c'était par là. L'inspecteur avait la stature d'un sac de pommes de terre. La tête dans les épaules, il n'a pas bougé pour m'accueillir, mais j'ai cru identifier un mouvement de sa main qui m'invitait à prendre place sur un des deux sièges installés devant le bureau. En souriant aussi bêtement que possible, j'ai opté pour celui de gauche, je me suis assis, j'ai posé mes mains sur mes cuisses, j'ai adopté une attitude sans tension, d'homme qui a sa conscience pour lui. « Vous ne me demandez pas pourquoi je vous ai convoqué ?» a fait mine de s'inquiéter le sac à patates. « J'ai trop confiance dans la police pour me soucier de ces détails. Au moins, la police me demande de venir, je ne me pose pas de questions. Je viens. Je suis au service de mon pays. Un authentique patriote. Je respecte la loi, je ne ferai pas de mal à une mouche. Je n'hésite pas à voler au secours de mon prochain. Je suis un humaniste de vocation, doublé d'un humanitaire convaincu. Je n'ai donc rien à appréhender. Au contraire, je dirais dans les locaux de police, je me sens encore plus en sécurité que je ne l'étais dans le ventre de ma mère. Il avait le teint jaune, deux jours de barbe, et au coin des yeux, des purulences en cours de déshydratation. À première vue, sa priorité n'était pas d'inspirer de la sympathie. « Vous êtes le seul voisin des Chignoc ?» affirma-t-il avec une infime nuance interrogative. Je ne pouvais pas dire le contraire. Une douzaine d'années auparavant, l'ex-sous Chignoc avait racheté une maison de maître, juste au pied du talus, en haut duquel se trouve l'humble pavillon dont je suis devenu propriétaire à l'époque de mon tout premier patron, celui qui me considérait comme le fils qu'il n'avait pas eu. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ce n'est jamais sans émotion que je me souviens du temps de mon tout premier patron. D'une certaine façon, en bon père, il m'a aidé à m'installer dans mes meubles. Malheureusement, après le coup du sort, il n'a pas su renaître de ses cendres. Il n'avait pas la force de caractère, il manquait de mordant. Sa femme l'avait quitté avec tout ce qui avait un peu de valeur dans la maison. Après 20 ans de vie commune, il a réalisé qu'il avait eu affaire à une ingrate, une égoïste. Il s'en est jamais remis. Et encore, il n'était pas au courant de tout. Par exemple, que madame ne s'était jamais soustraite à mes affectueuses sollicitations. Quand elle ne les provoquait pas, elle appréciait les transactions furtives, les prises d'intérêt entre deux portes, les impromptus Domenico, pendant qu'au salon, dans la routine de son fauteuil, son infortuné mari sombrait dans des béatitudes digestives. Je pourrais en raconter sur le compte de cette femme. J'étais bien placé, au plus près de ses vices, au cœur même de son immoralité. Oh, quelle horreur, mon Dieu! Après toutes ces déconvenues, le pauvre homme a cherché un soutien dans la consommation de divers breuvages en vente libre. Il a traîné les bars. Il s'est négligé. Il a de plus en plus cédé au découragement. Probablement que c'était son destin. Les conséquences d'un mauvais mariage sont incalculables. Cette leçon était magistrale et j'en ai fait mon profit. Si j'avais eu la moindre velléité d'unir mon existence à celle d'une créature apparemment bien sous tout rapport, ce souvenir m'aurait incité à renoncer. Par chance, les hasards ne m'ont présenté que des personnes déjà épousées, au mieux des mères de famille, au pire des ménagères. Pour un sentimental, c'est une sécurité. Je ne le cache pas. De votre maison, vous avez une vue plongeante sur le parc et sur la cour intérieure des Chignocs ? A marmonné l'inspecteur en fronçant les sourcils. On ne peut pas dire ça. Et pourtant, je crois qu'on peut le dire. Non, monsieur l'inspecteur, au risque de vous décevoir, permettez-moi de répéter qu'on ne peut pas dire ça. Alors c'est vrai que ma maison est construite sur la hauteur, mais elle tourne le dos à celle des Chignocs. La façade arrière ne comporte aucune ouverture. C'est ce qu'on appelle un mur aveugle. Et puis ? Et puis, rien, monsieur l'inspecteur. Moi, je ne m'intéresse pas aux voisins. Ils sont chez eux, je suis chez moi. Je les connais, mais sans plus. Quand je suis dans le jardin, alors oui, d'accord, oui, je pourrais jeter un coup d'œil chez eux. Mais je ne mets jamais les pieds dans le jardin. Il est à l'abandon. Dans un sens, c'est même triste, parce que la terre est bonne. De toute façon, je n'ai pas la main verte. Il a toussé. Il donnait l'impression de vouloir vomir des épluchures. Je n'ai pas osé me lever pour lui taper dans le dos, comme ça se fait quand on a des notions de médecine traditionnelle. Ah, ces questions m'avaient mis mal à l'aise. On ne ment pas à un poulet d'aussi bon cœur qu'à un pigeon. Je me demandais où il voulait en venir. Je me prescrivais de rester évasif. Parler tant qu'on voudrait, mais plutôt pour ne rien dire. Évidemment que je les avais étudiés, les allées et les venues des Chignocs. Je les surveillais de mon grenier par un trou que j'avais pratiqué dans le mur, en déplaçant une brique. Le soir, quand je n'avais rien de mieux à faire, je m'installais au poste d'observation que j'avais aménagé avec une grande exigence de confort et je me livrais à ma passion, la collecte de renseignements. J'aime un peu, beaucoup, à la folie, apprendre des choses sur mes contemporains. Pas obligatoirement pour en tirer de revenus, je ne suis pas un homme d'argent, du tout, du tout. L'essentiel de mon plaisir réside dans ma capacité à nuire. C'est une jouissance de longue haleine. Parfois, des années sont nécessaires pour concevoir le piège dans lequel tombera le naïf bouffi de compassion et de fraternité, l'homme de bonne foi, le petit saint, le contribuable scrupuleux, le rétrograde, l'arriéré, l'obsolète si pur, si prude, si chaste qu'il n'est jamais effleuré par la pensée qu'il pourrait un jour avoir maille à partir avec l'injustice, connaître l'opprobre et la paille humide des cachots. Il flotte sur un petit nuage. Ma seule raison de vivre est de le faire redescendre sur terre, le confronter à la réalité du monde, lui montrer que dans une société de concurrents et de compétiteurs, il n'y a pas de place pour la bienveillance, pour la loyauté, et que dans un univers de tordus, la droiture est le plus blâmable des vices de forme. En vérité, le quotidien des Chignocs n'éveillait que la partie scientifique de ma curiosité. Je ne les épiais que pour information et parce qu'ils se trouvaient dans mon champ de vision. À aucun moment je n'ai eu l'intention d'utiliser à leur détriment les données accumulées au fil des années. Ils trafiquent dans l'import-export de produits illicites. Sur le plan de la nuisance, ce sont des collègues, je l'admets, et je m'en flatte. Mais je ne suis qu'un médiocre artisan, alors qu'ils travaillent à l'échelle d'une industrie. En outre, nous n'avons pas la même conception du mal. Pour eux, le mal constitue une méthode d'enrichissement. C'est une technique. Pour moi, c'est juste une manière d'atteindre le bonheur, de réaliser mon idéal, de me faire plaisir. C'est une philosophie. Monsieur l'inspecteur, prenez vos renseignements et vous verrez que je suis le plus honnête des hommes. Croyez-moi. Si je vous assure que je n'ai rien à vous dire au sujet de mes voisins, c'est que je n'ai vraiment rien à vous en dire. Si j'avais su quelque chose, je n'aurais pas attendu d'être convoqué. Je serais venu spontanément vous apporter mon témoignage. Ce n'est pas ce que la police attend de vous. Avant de descendre du train, la grosse vieille aux pantoufles a crié la cantonade en pouffant. Au revoir tout le monde! Merci pour tout et bon voyage! Un à un, les passagers ont disparu. La plupart dans des stations en rase campagne. Personne ne les a remplacés. Restent les deux types à chapeau et un ahuri à chaîne pectorale dont, maintenant que la nuit est tombée, j'aperçois le reflet dans la vitre. Le gros s'entasse toujours contre moi. Et en face, ses genoux touchant presque les miens, le type armé commence à trouver le temps long. Il croise et décroise les doigts, tord la bouche, respire péniblement. Il évite mon regard. Peut-être qu'il a faim ou soif. Oh, je dirais plutôt qu'il a soif. Ça ne doit pas être dans ses mœurs de se tenir aussi longtemps à l'écart d'une pompe à bière. 4 heures, c'est un début de sevrage. J'imagine qu'il souffre. Au lieu de s'équiper d'un flingue, il aurait dû suspendre à sa ceinture une gourde chargée du psychotrope salvateur. Moi, je ne connais pas ce genre de désagrément. Je ne bois pas d'alcool. Je ne fume pas. Je ne joue pas aux jeux de hasard. Je ne me gaffe pas de saloperies apéritives. Difficile de vivre une vie plus saine que la mienne. L'inspecteur n'aurait pas pu en dire autant. À force de se frotter à la vermine, il en était empuanti, encrassé, poisseux. Sans doute que sans le vouloir, il s'était imprégné des arrogances et des duplicités de la racaille. Il n'y était pour rien. C'était une espèce de maladie professionnelle. Ce que nous voulons, c'est installer une caméra chez vous. Je ne peux pas vous en dire plus. Si les chinooks apprennent que j'ai autorisé la police à les espionner de chez moi, je risque de m'attirer de gros ennuis. D'après ce qui se raconte en ville, ce ne sont pas des gens qui plaisantent avec le respect de la vie privée. Vous n'avez rien à craindre. Nous avons des spécialistes que le monde entier nous envie. Ils travaillent en toute discrétion. Il n'y en aura pas pour une heure, juste le temps de percer le mur, d'installer la caméra et son émetteur. Un mois plus tard, nous viendrons récupérer le matériel. Ça ne vous occasionnera aucune gêne. J'adore la police, monsieur l'inspecteur. Mais je ne tiens pas à en devenir un auxiliaire. Je ne veux pas faire des coups en douce, moi. Et franchement, si j'acceptais, je ne pourrais plus me regarder dans une glace sans avoir envie de cracher sur mon reflet. Il faut comprendre mes scrupules. Je les comprends. Chmata l'inspecteur. De l'air congestionné du martyr en proie au tourment d'une irréductible constipation, il ouvrit une chemise cartonnée, en éparpilla le contenu sur le bureau parmi d'autres papiers qui traînaient, amorça un bâillement de dépressif et poussa vers moi un document qui avait tout d'une lettre manuscrite. S'il vous plaît, veuillez prendre connaissance de ce courrier. Son contenu est susceptible de vous convaincre de l'intérêt qu'il y aurait pour vous de coopérer avec la police. En une fraction de seconde, j'ai senti que ma vie basculait du mauvais côté. Je reconnaissais cette écriture. C'était celle de cet ami auquel j'avais été très attaché, qui m'avait fait tant de bien lorsque j'étais son employé et que j'avais eu la douleur de perdre suite à une sombre affaire de double, de triple, de quadruple, enfin, de quintuple comptabilité, oh, je ne sais pas trop. Lors d'un accès de désespoir, le malheureux s'était jeté du haut d'un pont. Sans me vanter, L'image m'a poursuivi, me poursuit, me poursuivra jusqu'à la fin. Il n'avait pas survécu à la chute. Je ne suis pas peu fier d'avoir été le premier à me navrer publiquement d'une issue aussi peu favorable à la longévité d'un être cher. Dans sa lettre, il n'y allait pas de main morte, si j'ose dire, eu égard à sa mémoire. Aux yeux des flics, je ne sortais pas grandi de cette prose de pure malveillance. Monsieur l'inspecteur, je tombe des nues. Ce sont les divagations d'un homme dévasté par la souffrance et qui ne savait plus ce qu'il disait. Peut-être avait-il bu. Peut-être s'était-il drogué. En tout cas, il n'était plus lui-même. Je le connaissais bien. Je ne le reconnais pas. Nous avons eu l'idée d'essayer de vérifier si, par éventualité, malgré leur extravagance, ces odieuses calomnies ne reposaient pas sur un fond de vérité. Pardon de vous couper, monsieur l'inspecteur. Vous ne trouverez rien. Il s'agit juste de la réaction d'un désespéré quelques heures avant sa mort. Je ne suis pour rien dans cette histoire. Je n'en doute pas. Mais ça pourrait changer. Vous savez, quand un flic veut trouver, il trouve. Il ne tiendrait qu'à vous qu'il n'ait pas envie de chercher. C'est une menace. Me suis-je insurgé, mais à mi-voix pour laisser une chance à la négociation. C'est une menace, en effet. A-t-il soupiré, comme à contre-cœur. Finalement, il a bien fallu s'entendre. Parfois, c'est mieux. Grâce à mes facultés d'adaptation, je n'ai pas eu à me faire violence. D'autant que j'ai une âme de collaborateur. Il ne m'a manqué qu'une bonne guerre pour la fermir dans les conditions du direct. L'inspecteur me donnait des garanties. On me tiendrait à l'écart. Mon nom ne serait jamais prononcé. Après l'opération, la police oublierait jusqu'à mon existence. Quand même, si les Chinooks se doutaient de quelque chose. Me suis-je atterré. Quoi qu'il arrive, à partir de cet instant, vous êtes sous notre protection. Il ne peut rien vous arriver. Soyez rassurés. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. À la fin, quand toutes les modalités furent réglées, j'ai cru élégant d'adresser une formule de politesse à l'inspecteur. Il ne me l'a pas réciproquée. Il ne m'a pas non plus tendu la main quand j'ai pris congé. Il ne m'a pas reconduit jusqu'à la porte. Il ne m'a pas dit au revoir. Il se répandait comme un sac qui se vide sur ses dossiers ouverts. Il grognait. Ce sont des détails auxquels je n'avais pas prêté attention sur le moment. La chaîne pectorale a disparu. Il portait un sac de sport assez long pour contenir un fusil. Les deux hommes en chapeau font semblant de dormir. Oh, le voyage n'en finit pas. Par intermittence, j'ai envie de discuter un peu. Il ne fait pas chaud, mais j'étouffe. Normalement, je devrais retrouver l'air libre deux stations avant le terminus. Je ne me souviens plus du nom de la ville. Un nom compliqué. J'aimerais bien regarder l'heure à ma montre. Mais il faudrait que je réveille mon voisin de gauche. Ah, mon bras est coincé. Le poignet commence à s'engourdir. Bon, pas d'autre solution que de demander l'heure à mon voisin d'en face. Il fait celui qui n'entend pas. J'insiste. Il se décide à remuer. Il dit qu'il n'est pas loin de 10 heures du soir, mais il le dit d'une façon si renfrognée que je comprends qu'il lui est désagréable d'en être réduit au rôle d'horloge parlante. Je le remercie, sans effusion superflue, mais avec une pointe de cordialité. Bon, il pourrait me dire de rien, mais non, pas d'écho. Il veut éviter tout risque qu'un mot en entraîne un autre. Bon, très bien. De l'autre côté de la vitre, il n'y a plus que de la nuit. Il me semble qu'il se passe de plus en plus de temps entre deux arrêts. Le bruit de ferraille s'est atténué. Peut-être que ce n'est qu'une impression. Pendant 5 semaines, la caméra a enregistré tout ce qui se passait dans la cour intérieure des Chinooks. Les soi-disant spécialistes de la police ne se sont pas révélés tout à fait à la hauteur de leur tâche. D'abord, ils ont garé un véhicule anonyme devant ma maison, bien en vue. Quand je leur ai fait la remarque qu'il aurait été plus discret d'utiliser une camionnette de plombier ou d'électricien, avec une raison sociale en lettres peintes, aussi lisible que voyante, ils m'ont rétorqué qu'ils savaient ce qu'ils faisaient et que j'étais mal placé pour leur apprendre leur métier. Ensuite, ils ont dû s'y reprendre en 4 fois. Pendant une demi-journée, la caméra envoyait des images et tout d'un coup, elle cessait de fonctionner. Les spécialistes rappliqués, très énervés, menaient grand tapage, accusaient la vétusté ou l'inadéquation du matériel. La police a sa propre conception du professionnalisme. Toutefois, mais non sans mal, l'inspecteur a obtenu toutes les images compromettantes qu'il voulait. Après quoi, il a donné l'ordre d'assiéger la maison Chignoc. Nul besoin d'une imagination de grand sorcier pour reconstituer les événements et leur enchaînement funeste. En général, c'est quand les choses se présentent trop bien qu'elles finissent par mal tourner. Rien ne permettait de prévoir l'attitude belliqueuse du jumeau, son décès prématuré et la réaction à la fois atrabilaire et vindicative de l'ex-sou. Pendant sa garde à vue, ce dernier a dû, belle excuse, se murer dans le chagrin, refuser le dialogue, ni en bloc, les envoyer tous chez les Grecs en leur conseillant d'enclencher la marche arrière. Sur deux, les flics lui ont ri au nez, je suppose. Orgueil mal placé, ils se sont prévalus d'en savoir long comme ça. Ils ont juré qu'ils n'étaient pas du genre à s'embarquer sans biscuit. Peut-être même se sont-ils mal conduits. Qu'ils n'ont pas su faire l'économie des grossièretés, du tutoiement, des brutalités. Manière légitime avec les éjaculateurs précoces et autres voleurs de mobilettes. Mais déplacés quand on a affaire à un surdimensionné des noyaux. Chignoc s'est braqué. Il a réclamé des preuves. Excédés et triomphants, les flics n'ont pas pu s'empêcher de montrer les films. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, Chignoc ? Sur le moment, il n'a pas eu grand-chose à en dire. Sauf que ces images venaient de quelque part, et que compte tenu de l'angle de prise de vue, ce quelque part n'était pas difficile à localiser. Les flics ne l'auraient pas mieux documenté en lui fournissant mon nom et mon adresse. D'ailleurs, comme un fait exprès, à 4 heures du matin, j'ai été tiré du sommeil par des bruits trop amortis pour être tout à fait honnête. Je me suis levé, je me suis approché de la fenêtre et j'ai aperçu 2 ombres en train de bricoler devant la porte de mon garage. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait et de ce qui m'attendrait si je m'attardais dans la maison. Mais tout de suite, j'ai pensé au cousin. Le temps d'enfiler des vêtements, je me suis faufilé sur la terrasse, puis je me suis jeté à plat ventre dans l'herbe du talus. En rampant, j'ai glissé vers la rue, en contrebas. Au cours de mes longs affûts, les cousins de Chignoc, je les avais vus à l'œuvre. Manifestement, ils sortaient du collège technique, section équarissage. Pas des méchants, non, mais des tâcherons opiniâtres, des hommes de métier, des seconds couteaux d'expérience. Ils avaient développé toute une pédagogie des disciplines d'éveil. Ils travaillaient à l'accroissement des sensibilités. Ils avaient l'art de fabriquer des écorchés vifs. Tant que je ne me sentais pas concerné par leur façon d'inculquer aux récalcitrants les règles du savoir-vivre, j'avoue avoir considéré ces pratiques comme un divertissement assez semblable à ceux que proposent les séries télévisées. À distance, beaucoup de choses paraissent acceptables. Quand elles se rapprochent, on commence à en percevoir les inconvénients. Juste quand je tournais le coin de la rue, la nuit fut secouée par un vacarme d'attaque aérienne. Je me suis retourné et j'ai vu des morceaux de ma maison s'élever vers le ciel et s'y dissoudre dans un nuage incandescent. Près de moi, le gros tas émerge du sommeil avec des claquements de langue et des raclements d'arrière-gorge. Il n'a pas encore complètement ouvert les yeux qu'il s'affaire déjà à marier les tenants et les aboutissants. Je crois bien que j'ai dormi, hein. Annonce-t-il en tordant le nez vers mon voisin d'en face. Je dors depuis longtemps. C'est plus fort que moi, le train ça me berce. L'autre hoche la tête. Il approuve subrepticement. On n'est pas encore arrivé ? Demande le gros en retournant son tas avec un sursaut. Son mouvement m'emporte le bras et me laboure le poignet. Je gueule, autant de surprise que de douleur. Le gros tas rote un merde qui se voudrait une excuse. C'est fou comme on est vite oublié. même par les gens qui se sont longtemps reposés sur nous. L'inspecteur avait passé une sale nuit. Un flic m'avait demandé de l'attendre dans le couloir. J'étais nerveux. J'étais angoissé. J'étais en état de choc. Je ne tenais pas en place. Les flics m'avaient vendu, je ne voyais que ça. Et comment ? Je n'en savais rien. Ils allaient m'entendre. J'étais décidé à leur demander des explications. Une porte s'est ouverte et je me suis presque retrouvé nez à nez avec Chignoc, qu'un flic mâle et un flic femelle poussaient devant eux. C'est un homme habitué à dissimuler ses sentiments, mais il n'a pas pu cacher sa stupéfaction de me voir là. Peut-être un peu pâle, peut-être un peu inquiet, mais plus vivant qu'il ne l'aurait souhaité. Alors, il s'est vite repris. Il a plissé les paupières et il m'a traité de Judas, avant d'être entraîné, non sans ménagement, par le couple de flics. L'inspecteur est apparu dans l'embrasure de la porte. En me découvrant contre le mur du couloir, il a eu la même réaction d'étonnement que Chignoc. Pour ma maison, il était au courant. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Il m'examinait comme si j'avais été un revenant. Mais il ne m'a pas demandé des nouvelles de ma santé. Il m'avait déjà passé par profits et pertes. J'ai commencé par lui reprocher de m'avoir livré au cousin. Il a haussé les épaules, m'a fait entrer dans le bureau, et je me suis assis sur la chaise d'où Chignoc venait de se lever. Les premiers mots qui me sont venus à la bouche évoquaient une tentative d'assassinat. Il a eu l'air de douter de ma parole. Puis je lui ai demandé ce que la police comptait faire pour assurer ma sécurité. Je vous préviens tout de suite qu'il n'est pas question pour moi de bouger d'ici. Si je sors dans la rue, les cousins me logeront une balle dans la tête. Vous le savez bien. Je vous ai rendu un beau service. J'ai collaboré honnêtement. Vous avez contracté une dette vis-à-vis de moi. À vous de prendre vos responsabilités. Et j'ai croisé les bras. Du bout des lèvres, il a reconnu une maladresse de la part d'un de ses collègues. Mais il était épuisé. Trop pour avoir encore envie de rentrer dans les détails. Il estimait que ce n'était pas mon problème. Qu'est-ce qui n'est pas mon problème ? Il a eu un geste, comme s'il pesait des nèfles dans le creux de sa main. J'avais l'impression de déranger. Pourtant, j'étais dans mon droit. Jamais au cours de ma vie, je n'avais été plus dans mon droit qu'à cet instant. Et mon droit m'accordait non pas d'implorer ou de solliciter une protection, mais de l'exiger. C'est une question de vie ou de mort. Ai-je répété, en ultime argument ? La vie, la mort... A-t-il tenté d'articuler ? Tout en essayant de ravaler une remontée acide. Vous vous êtes engagé, monsieur l'inspecteur. Engagé, c'est vite dit. Je n'ai rien signé. Tout bien réfléchi, je ne vois qu'un seul moyen de vous soustraire aux périls qui vous attendent, c'est de vous éloigner. Partez. Allez aussi loin que possible. Sautez dans le premier train et faites-vous oublier. Mais vous plaisantez. D'ici à la gare, les cousins auront 100 fois l'occasion de m'exécuter. Au fusil, au revolver, à l'arme blanche. En me roulant dessus avec une voiture ou bien un coup de poing après m'avoir coincé sous un porche. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. S'il vous plaît, arrêtez de faire semblant de ne pas comprendre. Il a levé les yeux vers le plafond, ce qui ne lui conférait pas un air tellement plus inspiré. Il se fichait d'avoir ma mort sur la conscience. En mettant la main sur Chignoc, il avait atteint son objectif. Il débarrassait la ville d'une vermine. Il toucherait une récompense sous forme de promotion. Peut-être une médaille, les compliments de sa hiérarchie. À la façon qu'il avait de me dévisager... Je devinais qu'il me mettait dans le même sac que Chignoc. Il me voyait de moindre envergure, mais dans mon genre tout aussi vermineux. Il savait à quoi s'en tenir. Il ne serait pas gêné de me mépriser, mais il préférait m'ignorer. Bien. Je vous mets en état d'arrestation. Je vais vous confier aux bons soins de deux de mes hommes. Vous escorteront jusqu'à la gare, vous partirez d'ici en véhicule banalisé. Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Je ne m'inquiète pas, mais j'ai du mal à saisir le fond de votre pensée. C'est tout simple. Je vais faire en sorte que vous passiez un moment en prison. Vous y serez en sécurité. En prison ? Il faut savoir ce que vous voulez. De toute façon, j'ai un dossier sur vous. Je pourrais avoir envie de l'approfondir. Vous resterez à l'abri le temps que je trouve une solution. Ah, vous n'avez pas envie de refaire votre vie dans une autre région ? Éventuellement à l'étranger ? J'essaie d'arranger votre affaire, faites-moi confiance. Confiance. Mot mortel. Il avait juste envie de se débarrasser de moi. Bon, la perspective d'un séjour derrière les barreaux ne m'enchantait qu'à moitié. Toutefois, à la réflexion, c'était probablement une manière de préparer l'avenir. J'avais besoin de souffler, de me remettre de mes émotions. En quelques heures, j'avais l'impression d'avoir vieilli de 15 ans. Je n'avais plus de force, plus d'énergie, plus de volonté. « Je suis là !» disait l'inspecteur d'une voix encourageante. « Je vous soutiens !» Vous pouvez compter sur moi, je ferai tout ce qui est dans mes possibilités pour vous aider. Vous n'avez rien à craindre. Croyez-moi et faites-moi confiance, vous vous en sortirez. J'avais déjà entendu ce discours quelque part. J'étais bien placé pour savoir qu'il n'était pas à prendre au pied de la lettre. Les bonnes paroles cachent souvent des arrière-pensées dégoûtantes. Le train a traversé un tunnel et il s'est mis à progresser plus lentement. Les deux hommes à chapeau dorment toujours. Mon voisin d'en face s'est levé. C'est là ? Demande le gros tas. C'est tellement évident que l'autre ne répond pas, même pas d'un signe de tête ou d'un clignement de paupières. Le gros tire sur les menottes, sans brutalité, comme pour vérifier si je me trouve encore à l'autre bout. La police ne m'a pas fourni des éléments d'élite. Ils sont à la fois falots et bornés, des bourrins. Le gros palpe son arme à travers son veston. Son collègue s'est avancé dans l'allée. Une lumière passe dans la vitre. Les patins de frein se collent sur les roues. Le gros s'est campé. J'ai suivi, bien obligé. On s'est retrouvés tous les trois devant la porte à ouverture automatique. J'ai aperçu un panneau avec le nom de la gare que l'inspecteur m'avait indiqué. Là, ça me revient. Ce n'est pas à proprement parler une gare. Un bâtiment en briques prolongé par un auvent soutenu par des volutes en fer forgé. Un seul lampadaire. Deux fenêtres occultées par des parpaings. Sans un mot, mais en soufflant comme un bœuf, le gros tas introduit une clé dans la serrure des menottes. Qu'est-ce qui se passe ? On ne parle pas, répond-il. Son collègue est appuyé contre la paroi. Le train a stoppé. Les portes s'ouvrent. Qu'est-ce que je fais ? Tu descends. Laisse tomber le gros tas pendant que l'autre, d'un coup de tête, m'indique la direction que je dois prendre. Il tient son flingue à la main. Vous ne m'accompagnez pas jusqu'à la prison ? T'inquiète, tout est prévu. T'es attendu. Dit le gros tas en m'envoyant d'une bourrade valser sur le quai. Les portes se ferment. Le train s'ébranle. Sonné, je me relève, je crie. Je vois leur tête de l'autre côté de la vitre. Ils sont inexpressifs, ils regardent ailleurs. En trottinant, j'accompagne le train sur quelques mètres. Puis je renonce. Quelque chose m'échappe. Ils sont venus en force. Ce n'est plus un comité d'accueil, c'est une réunion de famille. Il ne manque que l'exsou et son taré de jumeaux retenus ou empêchés pour des motifs sérieux. Les lumières rouges du train ne sont pas loin de s'évanouir dans la nuit. Je n'envisage même pas de m'enfuir. Un des cousins se détache du groupe. Il me semble vaguement reconnaître celui qui éclatait les doigts un par un à l'aide d'un casse-noix amélioré. Il me tend une corde. Pour des types comme toi, la pendaison, c'est la fin la plus historiquement conforme. Ce serait mieux que ce soit de ta propre initiative. Mais si tu as besoin d'aide, on se tient à ta disposition. Personne ne te refusera un coup de main. Au contraire. Le temps s'épaissit. Il se coagule. Il se solidifie. Il durcit. Le cousin me fait une nouvelle fois signe de prendre la corde. Tu pourras l'accrocher là. On a vérifié, c'est solide. On t'a préparé un tabouret pour te faciliter la tâche. La corde est plus lourde que je ne l'imaginais. C'est une vraie corde de gibier de potence. L'idée me traverse la tête qu'il doit être plus facile de se pendre dans le noir qu'en plein jour. La lumière, c'est difficile à quitter. Je balance une extrémité de la corde par-dessus l'espèce de portique qu'on m'a indiqué. Les cousins se sont installés en demi-cercle, comme pour assister à un spectacle de rue. Demain, on me retrouvera. Les journaux écriront que j'ai mis fin à mes jours, que j'étais déprimé, que je n'avais pas supporté l'incendie de ma maison, que je ne m'étais jamais vraiment remis de la disparition de certains de mes amis. En guise d'exemple, on rapportera que l'un d'eux s'est jeté du haut d'un pont. Juché sur le tabouret, la corde autour du cou, j'ai l'impression de m'être élevé très haut dans le ciel. Un début de vertige me fait tourner la tête. Je prends encore le temps de me demander pourquoi les flics m'ont passé les menottes. Si c'était pour me livrer à domicile, ou tout comme, je ne vois pas très bien l'intérêt. C'est en poussant le tabouret d'un léger coup de pied que je réalise que ces fauchetons de flics m'ont supputé aussi faucheton qu'eux. Ils avaient seulement peur que je leur fausse compagnie. À tort ! Pour une fois, je ne me tenais pas sur mes gardes. Je leur faisais confiance. Erreur fatale. Sur mes gardes, de Franz Bartelt. Avec Cyril Couton, Luc-Antoine Diquero, Mauricette Gourdon, Étienne Grébeau, Hervé Colombel. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Anil Bosselet. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Cédric Ossire. Retrouvez en kiosque la saison 3 des Petits Polars avec Le Monde et SNCF.